Phrase 17. Observation. Absence et abondance. Manquer. Regardez bien. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il manque un jour. Le mercredi. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Il manque un chiffre, le 7. Présence, tout le monde est là, il ne manque personne. Absence, tout le monde n'est pas là, il manque quelqu'un. Tout est là, il ne manque rien. Tout n'est pas là, il manque quelque chose. Abondance, il y a assez de temps, le temps ne manque pas. Manque ? Il n'y a pas assez de temps. Le temps manque. Ce n'est pas le temps qui manque. C'est le temps qui manque.